predpre budiste de ciu. A un mandolin de sang par le démon de sourcil. Et joue dans mon les brillants sons ressemblent mieux une forêt de pins pulsée par les vents. Purifie la baie dans l'eau du ruisseau, l'harmonieuse mélodie, mais en concert avec les à tomber les crépuscules et les mains s'estompent dans la bouche l'on arrive à voir les montagnes bleuâtres plus loin de la muraille du nord. À l'est de la ville court l'eau limpide et cristalline. Ici nous nous séparons, mon ami, pour toujours. Tu vas naviguer 10 000 fois en bateau comme une plante aquatique sans racines. Oh, les nuages voyageurs et les pensées des vagabonds. Oh, les crépuscules, oh, la nostalgie des vieux amis. Nous nous séparons en faisant des gestes avec la main, pendant que notre chevaux s'éloigne pas à pas. Pas à pas, pas à pas, l'hypothèse.